Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Trajectoire paysanne pour tracer son sillon face à l'industrialisation. Trajectoire d'historien aussi. Quelle source pour le monde paysan, plus près de ceux de celles qui travaillent la terre, qui élèvent du bétail, qui voient leur monde changer et qui contribuent à ces changements. Comment retrouver les gestes, le vécu, les relations humaines, la lutte pour la survie, mais aussi les ambitions, les rêves d'un avenir meilleur, une nouvelle vache à acheter, une terre à récupérer et pourquoi pas une machine. C'est la mémoire des croquants, celle des paysans, celle des gens de la terre. Ce sont les couleurs de nos campagnes et les campagnes dans l'histoire. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. La vie des pauvres gens ressemble à ces pièces de théâtre que les critiques appellent de mauvais mélodrames. Oh ! Tu as 8 moutons, hein ? Eh bien, t'en apporteras 4 après-demain au château. Quand on cessera de nous tenir pour des bêtes... Quand on cessera de nous tenir pour des bêtes... Nous commençons de nous conduire comme des hommes. C'est cette phrase qui m'a déterminé à passer de la guerre des chevaliers à la guerre des paysans. Bonjour Jean-Marc Morisseau. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a déterminé, vous, à passer à l'histoire rurale ou en tout cas à vous inscrire dans cette belle histoire, une longue histoire de l'histoire rurale avec tout votre apport autour de ce monde des campagnes? Alors une longue histoire, puisque je suis en fait né à Paris et j'ai travaillé longtemps en banlieue, quand j'étais à l'école primaire notamment, et j'étais passionné d'histoire depuis l'âge de 7 ans. Et pour commencer à faire de l'histoire, rien de plus simple que de travailler sur ma commune, qui était à Tismons, à 20 km au sud de Paris. Or, à Tismons, c'était déjà une ville de banlieue, et j'ai voulu en quelque sorte gratter le bitume la commune pour retrouver le sol de l'ancien régime et voir comment les parcelles de la réserve seigneuriale, les anciens moulins, les anciennes fermes qui animaient la vie des campagnes à l'époque de Louis XIV, de Louis XV ou de Louis XVI pouvaient réapparaître. Et donc c'est sur le terrain que j'ai arpenté un peu au pied du roi, pas après pas, ce territoire pour en reconstituer l'histoire du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Ça a été mon initiation à l'histoire rurale. Où que nous nous trouvions en France, Jean-Marc Morisseau, si nous grattons un peu, comme vous venez de le dire, on va trouver l'histoire de cette histoire rurale partout, mais même, j'ai envie de le dire aussi, dans les villes. Mais bien entendu, d'abord parce que les villes étaient pétries et inondées de ruralité jusqu'au début du XXe siècle, et ensuite parce que, selon une formule que j'utilise très souvent, de Lucien Febvre, l'historien a priori ne voit-il pas de source, doit-il se résigner? Et Lucien Febvre répondait « jamais ». Eh bien, je dis toujours « jamais » aux étudiants, ne jamais vous résigner, à chaque fois que vous cherchez, vous avez des chances de trouver. Et souvent, la moisson est beaucoup plus belle qu'on aurait pu l'imaginer au départ. Et puis, en grattant la généalogie aussi, on trouve cette histoire rurale obligatoirement. Tout à fait. C'est même une expérience que je suis en train de mener aujourd'hui, puisque j'avais travaillé pendant très longtemps sur les fermiers de l'Île-de-France, qui m'ont pris quand même 12 années de ma vie. Et dans ces fermiers, j'avais repéré plusieurs dynasties que j'avais laissées de côté, dont la famille de la Cour. Et mes maîtres de l'époque, c'est-à-dire notamment Jacques Dupaquier et Marcel Lachiver, m'avaient dit « Vous devriez travailler, Morisseau, sur les de la Cour ». Mais je les avais laissés de côté. Et 40 ans après, par la généalogie, en voyant que je descendais des de la Cour, je me dis « C'est quand même pas possible, faut que j'y voie de plus clair ». Et je suis tombé sur un receveur de seigneurie qui avait une signature en panaché de type 3 mousquetaires qui me permettait d'aller dans les autoroutes des minutes notariales de l'époque de Louis XIII et de ressusciter la vie de tout un village. Et c'est le livre que je prépare pour la rentrée prochaine. Autour de Nicolas de la Cour, votre ancêtre, disons-le, avec, là aussi pour l'historien, une généalogie intellectuelle. Vous venez de le citer, Marcel Lachiver. On oublie notre histoire, on oublie les gestes qui sont liés à notre histoire. Le paysan, il fait des gestes tout au long de sa vie, tout au long de son année, et c'est ça que je regrette. On n'a plus cela présent à l'esprit dans la famille. Il faut le réapprendre comme si c'était quelque chose d'exotique. La France est un pays quelquefois de champs ouverts, quelquefois de bocages. Ben, de plus en plus, c'est un pays de champs ouverts parce qu'on a détruit le bocage. Et alors ça a été une grande sottise que de détruire le bocage. Il est évident qu'il qu'il fallait supprimer des haies, par exemple, parce qu'elles entouraient quelquefois des champs si petits qu'on ne pouvait plus s'y remuer, bien sûr. Mais il aurait fallu garder un bocage à grand maillage, comme il existe en Angleterre, parce que le remembrement a été fait avec le système des enclosures au XVIe et au XVIIe siècle. Il aurait fallu garder un bocage à grand maillage qui permettait de garder une faune, une flore, de faire des abris contre le vent pour le bétail, et puis qui évitait le ravinement des terres, car c'est ça le grand danger, c'est le ravinement des terres. Marcel Achiver en 1998 sur France Culture. Oui, je le dis toujours et c'est important parce que chaque historien, chaque historienne qui vient rappelle que nous sommes tous héritiers d'une longue tradition. Cette histoire rurale, ce sont aussi des grands noms d'historiens comme Marcel Achiver. Ah, tout à fait. Marcel Achiver était un enseignant passionnant. Je l'ai découvert en voulant suivre les cours de Pierre Goubert. Donc en licence en 1977-78. Et à cette époque, Pierre Goubert avait perdu sa femme, il ne faisait pas ses cours. Et c'était Marcel Achiver qui le remplaçait. Je m'étais dit, mais je vais perdre mon temps. Que suis-je venu faire à la Sorbonne pour écouter quelqu'un pendant 3 heures en plus que je ne connaissais pas? Eh bien, dès la première minute où je l'ai rencontré, ça a été passionnant, ça a été captivant. Et j'ai rencontré quelqu'un qui savait faire comprendre ce qu'étaient les réalités concrètes de la vie rurale du XVIIe siècle au XIXe siècle. Marcel était, il est vrai, très pédagogue, c'était un instituteur au départ, mais qui connaissait beaucoup les choses de la terre en tant que fils d'ouvrier agricole du pays de France. Et il savait vraiment faire passer beaucoup de choses. Et ça a été la naissance d'une amitié intellectuelle très forte. C'était l'un des 3 ou 4 de mes maîtres avec Jean Jacquard, Emmanuel Leroy-Ladurie et Jacques Dupaquier. Et puis, retrouver ces gestes du XVIIe siècle, par exemple, du monde paysan, c'est bien difficile. Retrouver le vécu dans le cas de Nicolas Delacour, on l'a dit, votre ancêtre. Qui est-il? C'est un petit paysan? C'est un grand paysan? On ne peut pas parler du monde paysan au singulier. Alors, c'est quelqu'un qui est né, je dirais, dans une semi-obscurité, parce qu'il ne faisait pas partie des très très grandes familles de laboureurs qui sillonnaient la plaine de France, qui est un enfant du miracle, puisque ses parents n'avaient pas eu d'enfant pendant 17 ou 18 ans, qui n'a pas d'acte de baptême, puisque les registres ont disparu en 1588-1589, mais qui va vivre 80 ans, et qui va devenir gruyer, c'est-à-dire responsable des bois, de Maffliers. Maffliers, c'est un petit village près de l'Isle-Adam, au nord-ouest de l'Île-de-France, et surtout receveur de seigneuries, de grands parlementaires, qui jouent un rôle très important à Paris, le baron Forget, qui était le frère de celui qui a signé l'édit de Nantes, par exemple, ou bien le prévôt des marchands de Paris, Massé le Boulanger. Et en tant que fermier de ces grands propriétaires, il a joué un rôle considérable au village, en tenant des fiches sur toutes les familles qui l'entouraient. Et quand il est mort, en 1668, le notaire a passé 15 vacations au cours de 2 années différentes pour rassembler 164 titres et 450 liasses de documents qu'il avait conservés pour avoir la mainmise, effectivement, sur tout un village, à l'époque de Louis XIII d'abord, et ensuite de la régence de Louis XIV. J'imagine la surprise de l'historien que vous êtes, Jean-Marc Morisseau, en découvrant que votre ancêtre, Nicolas Delacour, est un personnage objet d'histoire. J'imagine la surprise aussi de Nicolas Delacour, votre ancêtre, en apprenant que son descendant est professeur émérite d'histoire moderne à l'université de Caen-Normandie et membre honoraire de l'Institut universitaire de France, avec cette bibliographie qui vraiment est impressionnante, la trilogie autour de la mémoire, alors des paysans, des croquants et des gens de la terre plus récemment. Chronologique, hein. D'ailleurs, je m'arrête sur la chronologie. Jean-Marc Morisseau, la chronologie du monde rural, c'est quelque chose de complexe parce qu'on imagine des processus très lents. Pour la mémoire des gens de la terre, chronique de la France des campagnes, vous avez choisi des bornes politiques, 1789-1914. Pourquoi? Oui, alors d'abord, ces 2 étés considérablement important pour l'histoire rurale. L'été 89, avec la Grande Peur et puis la Révolution, et l'été 1914, avec l'arrêt complet des activités agricoles pour la réquisition et la mobilisation pour la Première Guerre mondiale. D'autre part, pour moi, c'est la 3e étape d'une trilogie que j'ai commencée au début du 15e siècle, qui m'a mené à suivre 20 générations du Moyen-Âge jusqu'à l'aube du 20e siècle, et il fallait savoir un peu s'arrêter. Et donc, j'avais l'impression encore de mobiliser pour la fin du XVIIIe siècle, l'ensemble du XIXe siècle et le début du XXe siècle, l'essentiel de la documentation possible, de maîtriser en quelque sorte le croisement de sources multiples. Après, c'était une autre histoire, non pas impossible, mais qui m'aurait pris des années et des années. Et cette fresque de 5 siècles qui permet au jour le jour, année après année, département par département, ils y sont tous, de la Corse jusqu'à la Bretagne, évidemment, jusqu'au Finistère et jusqu'aux Ardennes, de restituer la diversité du monde des campagnes, mais également les grandes séquences des changements qui les ont marqués, qui ont marqué les paysans d'un bout à l'autre de l'Hexagone. Oui, parce qu'on a vraiment cette image d'un monde paysan presque immuable, hein, qui répète année après année, saison après saison, les mêmes gestes. Par exemple, Nicolas de la Cour, au XVIIe siècle, procède-t-il comme cela se faisait dans les siècles passés, avec des évolutions, et nous les connaissons au Moyen-Âge, sur la charrue, etc. Micro-évolutions. Alors, au XVIIe siècle, Nicolas de la Cour, pour prendre que lui, mais ils sont des milliers à cette époque, respecte encore le plus possible l'assolement triennal, qui commence, comme chacun le sait, non pas par le blé, mais par la jachère, parce que la jachère, comme on l'oublie souvent, n'est pas une année de repos du sol, mais au contraire, une année où on cultive le sol, où on laboure pendant 3 ou 4 reprises, au moins, où on le fertilise également. Et ensuite, l'année suivante, évidemment, on sème le froment, le métail ou le seigle, qui va mûrir au cours de l'année, être récolté à la fin de l'année suivante pour à nouveau être défriché, tout au moins ses chaumes, labourer encore une fois et donner lieu aux cultures fourragères, à commencer par l'avoine qui nourrit les chevaux. Et ainsi se poursuit cet assolement triennal. Donc là, Nicolas de la Cour est encore extrêmement fidèle. On est quand même entre 1630 et 1650, l'époque où je peux le mesurer, mais par ailleurs, il faut bien voir qu'il est le premier d'une génération à concentrer les exploitations. On passe de l'échelle d'une charrue, c'est-à-dire 25, 28, 30 hectares au maximum, à 70, 80, voire plus de 100 hectares. Et Nicolas de la Cour fait partie de ces fermiers qui sont allés jusqu'à 3 charrues et qui ont réussi à équiper ses 7 enfants. À hauteur de 2 charrues chacune, ce qui est considérable. Il a fallu donc pour cela aller de l'avant et en même temps, évidemment, absorber les petits laboureurs qui faisaient la majorité de la population des communautés villageoises, tout au moins de leur élite, du Moyen-Âge jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Avec un paysan qui n'est pas déconnecté du monde politique et de la société, vous nous l'avez dit, le cas de Nicolas de la Cour, on peut toujours s'arrêter sur lui, quelqu'un qui, ne serait-ce que par les relations humaines qu'il entretient avec tout le monde et par ses responsabilités, ne se contente pas de cultiver la terre. Bien entendu, c'est un homme d'affaires de toute façon. C'est le prototype en quelque sorte de Grégoire Rigou de Balzac, hein, de toute façon dans Les Paysans. C'est-à-dire que il cherche toutes les bonnes occasions pour prêter de l'argent et ensuite, après une hypothèque, à rafler des jardins, des maisons, des champs. Non pas qu'il a un sens aigu de la propriété, mais ça lui sert de gage en quelque sorte pour mobiliser du capital en cas de dotation pour ses enfants ou en cas de besoin financier auprès de ses propriétaires. Et puis ce qui est important, c'est qu'on est à 25 km de Paris et ses propriétaires jouent un rôle très important dans la vie politique nationale. Le plus important, notamment, c'est Massé le Boulanger, qui est prévôt des marchands de Paris, qui est président aux enquêtes au Parlement de Paris, qui est richissime, 1 500 000 livres, qui est un Nicolas de la Cour à la puissance 10, qui prête, lui, au roi, au grand, et puis, évidemment, au clergé, qui sait jongler avec les affaires, et qui disait, d'après Talmandereau, qui est évidemment une mauvaise langue à cette époque, que quand il aurait 80 000 ou 90 000 de livres de rente, il pourrait cesser de vivre. Eh bien, comme dit Talmandereau, quand il eut 100 000 livres de rente, ce qui était le cas, il s'est effondré en public devant Gaston d'Orléans, en pleine séance du Parlement de Paris, au début de la Fronde, par une crise d'apoplexie. Et l'historien que je suis, en découvrant son inventaire après décès, se rend compte qu'effectivement, il avait atteint les 100 000 livres de rente. C'était considérable, c'était l'un des personnages les plus puissants économiquement du royaume et c'était le propriétaire de Nicolas de la Cour avec lequel il s'entendait très bien parce qu'ils étaient tous deux hommes d'affaires. Voilà, parce qu'il y a ces paysans, ceux de l'Île-de-France que vous avez étudiés, Jean-Marc Morisseau, pour certains très puissants. Et puis évidemment, comme une évidence à côté, il y a tous ces petits paysans. Je rendais guerre pour guerre, et je ne faisais que me défendre et les miens, et tous, contre la malfaisance odieuse et les méchancetés criminelles du comte de Nansac. Je n'ai donc pas de remords. Dans le village, et partout, on en juge de même, sans doute, car les gens m'affectionnent et me respectent comme étant celui qui les a délivrés d'une tyrannie insupportable. Sans y penser, j'ai fait le bonheur du pays d'une autre manière, car lorsque la terre du comte a été mise en vente au tribunal, la bande noire l'a achetée pour la revendre au détail. Alors les gens de Lerme, de Pris et des autres villages alentour ont regardé dans les vieilles chausses cachées sous clé au fond des tirettes et ont acquis terre, prés, bois, vignes à leur convenance, payant partie comptant, partie à pacte. Ça a changé le pays du tout au tout. C'est là une conséquence qui n'est pas petite. Et d'où il faut conclure que la grande propriété est le fléau du paysan et la ruine d'un endroit. Jean-Marc Morisseau, vous l'avez reconnu, c'est Jacques Croquant, c'est Henri Poirier qui lisait cet extrait du roman d'Eugène Leroy, roman de la fin du 19e siècle, mais qui raconte les années 1820, hein, c'est ça, 20-30. Dites-nous, ici dans Jacques Croquant, nous sommes après la Révolution française, mais on retrouve encore cette idée de domination de la plupart des paysans. Alors le seigneur, c'est peut-être plus ça, mais enfin, le maître est toujours là, il y a toujours des possédants. Ah, jusque vers 1840, la France, et notamment les paysans français, ont été dans la hantise de revenir à la dîme, aux droits seigneuriaux et à l'Ancien Régime, à plusieurs reprises. Et le Périgord, qui a été magnifié par ce roman sur la forêt Barade, et puis sur Jacques Croquant ensuite, par Eugène Leroy, en est tout un symbole. Et effectivement, on voit, à l'époque notamment de la Restauration, il faut bien voir qu'à l'échelle, cette fois nationale, le retour de Louis XVIII a créé, et de Charles X encore plus, évidemment, avec le milliard des émigrés, a créé une hantise, qui était est-ce qu'on va revenir à l'Ancien Régime ? D'autant plus qu'une partie de ces seigneurs avaient, dans le cadre de leur fermage, majoré leur fermage également, et maintenu des droits de corvée, qui s'appelaient des droits de charroi, qui assujettissaient toujours leurs métayers ou leurs manants à leur commandement. Il faut bien voir que dans cette optique-là, il y a deux Frances au moins, si ce n'est pas davantage. Une France qui est restée véritablement conservatrice, où les grandes propriétés, le métayage, les traditions d'Ancien Régime se sont perpétuées. Elle irait de la Bretagne au Bourbonnais, en passant justement par le Périgord. Et une France beaucoup plus moderniste, capitaliste, où la bourgeoisie déjà au XVIIIe siècle avait secoué une partie des droits féodaux, qui elle est engagée dans l'individualisme, c'est-à-dire le bassin parisien, le bassin aquitain et une partie du sud-est de la France. Oui, parce qu'on parle souvent de l'industrialisation en pensant aux machines. Mais il n'y a pas que ça dans ces mouvements de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Il y a aussi le rapport à l'autre dans une société. Vous venez de parler d'individualisme et puis tout simplement les notions même de pouvoir prendre la parole. Ces paysans-là sont tout à fait dans ces systèmes. La peur du retour de l'Ancien Régime au XIXe siècle, c'est pas rien quand même. Tout à fait. Et puis on parlait là un tout petit peu d'industrie. Il faut quand même rappeler à nos auditeurs que l'industrie, c'est d'abord les campagnes. Hein. L'image de l'industrie dans les villes ou aux portes des villes, c'est une image qui ne se développe qu'à partir du milieu du 19e siècle. Pour prendre un exemple qui m'est cher sur un autre terrain, dans les années 1830-1840, donc on est sous la monarchie de Juillet, il y a dans le Maine et en Bretagne, bon, les départements de l'Ille-et-Vilaine et puis de la Mayenne, pour traduire aujourd'hui, il y a des maîtres de forge qui donc sont des artisans de la sidérurgie qui protestent contre l'arrivée des loups. Alors pourquoi donc ? Parce que les loups dévorent les bêtes de somme, à commencer par les mulets, les chevaux qui transportent le combustible ou le minerai, et ça arrête l'activité pendant quelques jours, voire quelques semaines, de l'industrie sidérurgique dans les campagnes, aux portes des forêts, bien entendu. Et ils demandent des battues aux loups. Pour qu'il y ait ces protestations-là, c'est montré que l'industrie était très disséminée encore dans le monde rural, jusqu'au milieu du 19e siècle. Oui, Jean-Marc Morisseau, vous êtes aussi l'historien du loup. On retrouve la bibliographie, vos ouvrages sur le loup, il y en a plusieurs sur le site Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr. Avec tous ces paysans qui nous intéressent ici, mais quand même cette grande difficulté de la part de l'historien de saisir la diversité sociale et la diversité géographique. Vous le faites, on l'entend dans vos propos, mais c'est extrêmement complexe. C'est pour cela que j'ai voulu faire des chroniques de la France rurale et faire ressortir la voix des paysans de toute catégorie sociale et de toute région à travers ce long cheminement de ces trois volumes, c'est-à-dire de la mémoire des croquants à la mémoire des gens de la terre, en passant par la mémoire des paysans, de 1435 à 1914, mon objectif était, à partir des sources dont on disposait, les plus proches possibles de celles des paysans, dont certaines émanaient de même d'ailleurs, de pouvoir reconnaître l'écho de leurs préoccupations, l'écho également de leur travail et en même temps de leur relation avec les villes et avec la vie nationale. Et pour cela, il fallait évidemment plonger dans la diversité. Et une des réussites, entre guillemets, j'ai pu m'attribuer à la fin de chacun de ces volumes, c'est de faire des index et de m'apercevoir dans les index que tous les départements français étaient représentés par au moins 5 ou 6 occurrences. J'avais l'impression d'avoir fait là le tour de la question, ce qui ne veut pas dire évidemment que tout est terminé, les pistes sont bien ouvertes pour d'autres recherches, cela va de soi, mais au moins, pour une fois, c'était une histoire rurale qui ne se cantonnait pas à 5 ou 6 exemples régionaux, mais qui plongeait dans la diversité générale de la France rurale, de ces 20 paysanneries contrastées au-delà que Pierre Goubert avait en son temps mis en avant. Et puis avec la volonté d'écouter la parole au plus près des gens, je vous propose un bas breton. Je commençais par nettoyer la cour remplie de mares infectes qu'on ne pouvait traverser en temps de pluie. Elles étaient certainement une des causes des maladies qui régnaient en permanence dans la ferme. Tout ce que j'allais faire, quoique dans l'intérêt de tous, allait être traité ainsi. Kishuneve, nouvelle mode, avec une nuance péjorative. Après la cour, c'était la maison qu'il fallait désinfecter. Comme dans toutes les vieilles fermes bretonnes, il y avait une grande auge en pierre encastrée dans le mur, près de la table à manger. On y jetait les restants de soupe, de lait gâté, les lavures de vaisselle et autres détritus du ménage. Ces matières étaient en continuelle fermentation putride, empoisonnant l'air de la maison. Je savais que ce serait une rude affaire de faire disparaître ce cloaque nommé arvéole, que les Bretonnes considèrent comme le meilleur meuble de la maison. N'importe. La guerre était déclarée entre moi et toute la famille, y compris ma femme. Il fallait que je la soutienne seule, sous peine de succomber dans la routine et la misère. Pour cette importante opération, je choisis un dimanche, où ma femme et sa mère étaient allées au bourg à la grand-messe. Aidé par le domestique et mon beau-frère, je jetais au fumier le contenu de l'auge et après l'avoir bien nettoyé, je maçonnais dessus. La maison était complètement transformée et elle avait l'air d'un salon. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les mémoires d'un bas breton, lu par Thomas Beau, Jean-Marie Desguignets. Ce bas breton, c'est un récit donc qu'il écrit au tout début du XXe siècle, oui. Mais qui retrace donc ce qu'il a vécu au XIXe. C'est un récit passionnant. On pourrait entendre Jean-Marie Desguignets parler d'ailleurs avec un accent rocailleux de bas breton qui a appris le français, qui a appris à lire le français en cachette, en regardant les coupures de journaux qui traînaient dans la cour de sa ferme et qui surtout, assoiffé de culture, s'est engagé dans l'armée pendant 7 ans. Pendant le Second Empire, notamment la campagne de Sébastopol, a connu un caporal à Sébastopol qui a vu qu'il était assoiffé de culture et d'histoire en particulier et qui lui a donné cet enseignement auquel il aspirait. Et il revient en Bretagne en essayant de moderniser les choses. Et c'est pas facile, à commencer par sa propre famille. Et l'extrait que l'on voit le montre bien. Il était en quelque sorte un prophète avant tout le monde dans cette région de Quimper où il n'a pas été reconnu finalement parce qu'il était trop précoce. Et il a terminé sa vie misérablement dans un hospice en ayant rédigé ses mémoires qui sont vraiment passionnantes. Ça fait partie de ses mémoires de paysans authentiques de la part d'individus exceptionnels. C'est l'exceptionnel normal de la microstoria italienne, mais qui permet de voir les réactions générales. Et pour moi, il fait le pendant à un autre paysan que j'ai rencontré, mais cette fois 4 siècles auparavant, à l'époque de François Ier et de Charles Quint, qui était Jean le Coulon, qui lui était un paysan vigneron tout près de Metz et qui a laissé également le journal de sa vie en français. On dit toujours les paysans n'écrivent pas, les paysans n'ont pas d'histoire, c'est faux. Encore une fois, ne vous résignez jamais, cherchez, vous trouverez. Et là, les sociétés savantes, d'ailleurs, avaient publié, dès le 19e siècle, ce journal de vignerons qui va de 1525 à 1570 et qui, lui, tel Montaillou, éclairerait tout un village à cette époque du 16e siècle pour lequel on n'a pas beaucoup de paysans qui parlent directement. Eh bien, de Guignet, pour lui, le 19e siècle, cette fois, fait la même chose à l'égard de la région de Quimper. Et ces témoignages-là sont passionnants. Et surtout dans ce troisième volume où on peut croiser cette histoire en quelque sorte déjà bien dépassée des ancêtres à travers des sources écrites de papier, en quelque sorte une histoire de papier un peu morte avec la mémoire vivante des acteurs qui écrivent et dont certains à la fin de leur vie ont pu laisser leur témoignage à des historiens. Et j'ai eu la chance d'être parmi eux, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle des interviews de d'octogénaires ou de nonagénaires qui avaient vécu la vie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle et qui étaient des passe-mémoire en quelque sorte. La mémoire des gens de la terre, chronique de la France des campagnes, c'est le troisième volume de cette trilogie publiée chez Talendier, avec, vous l'avez cité, Jean-Marc Morisseau, Montaillou, village occitan. Vous parlez des sources, ben moi je vous propose Emmanuel Leroy-Ladurie. Moi qui suis habitué, comme mes collègues de camp, à des documents un peu plus secs, tout d'un coup, on a des voix, enfin comme Jeanne d'Arc un peu, dans son jardin. On entend des voix qui parlent, des voix qui nous arrivent d'il y a 600 ans, et qui sont recueillies comme par un magnétophone, par le secrétariat tout à fait remarquable de cet évêque Fournier. Alors, il existe bien sûr d'autres documents de ce genre, mais enfin, c'est assez rare. Moi, j'avais une certaine habitude des archives, des villages du Languedoc, mais c'était une documentation moins intimiste, si vous voulez. C'est-à-dire, on ne descendait pas dans les cœurs, on se bornait à compter les vaches ou les vignes ou les terres. Puis tout d'un coup, là, on a des gens qui parlent. Donc, dans mon esprit, c'est une sorte de progrès plutôt qu'un changement complet. Emmanuel Leroy-Ladurie, dans les actualités normandes en 1976. Il y a tout juste. C'est passionnant. Emmanuel était un très grand ami, de toute façon, avec qui j'ai eu un grand plaisir à travailler et à m'inspirer également, à travers évidemment la manière dont il écrivait et dont il voulait rendre concrètes des choses du passé qui étaient généralement traduites dans des courbes, des graphiques ou une histoire quantitative à laquelle j'ai appartenu aussi. Et que je ne dédaigne pas du tout. Mais simplement, il me semble important de faire aussi une histoire narrative, de ne pas réserver aux puissants en quelque sorte aux notables les biographies et cette histoire qu'on dirait très grand public. Mais je dirais, les paysans ont droit aussi à une histoire grand public. Ils ont droit aussi à une histoire qui se prête à des scénarios de films ou à des pièces de théâtre, et pas uniquement les grands de la terre. Et j'étais passionné dans le cadre de ces chroniques et des travaux que j'ai la chance de mener par la découverte de ce type de contact. C'est-à-dire là, je pense immédiatement à une scène dans un cabaret de Maffliers où je vois les personnages, ce sont des tout petits marchands qui négocient une vente de pommes, une production de poires avec des tarifs. J'ai les dialogues, les acceptations et les refus. Et ensuite, on va aller boire Chopine dans le cabaret lui-même. Ce type de dialogue que seules les sources judiciaires, la série B, hein, qui est une série grand public, aux qui n'est pas fermée à tout le monde, hein, pour le XVIIe ou le XVIIIe siècle, peut ouvrir. Et grâce à ces sources judiciaires, on voit les gens parler. Parce que il y a des prises de dialogue. On a l'impression, quand on fait une histoire vue d'en bas, d'avoir tendu un micro caché, en quelque sorte, aux interlocuteurs qu'on est en train d'interroger et de mettre en scène. Et c'est quand même passionnant, et ça révèle des tranches de vie et des comportements et des choix de décision qui éclairent largement les graphiques, les tableaux et les courbes auxquels on était habitué jusque-là. La série B des Archives nationales, ce sont les dialogues. Et puis, il y a aussi le côté un petit peu voyeur, quand vous plongez dans les archives notariales, où là, vous fouillez à l'intérieur des malles et vous trouvez, notamment dans les inventaires après décès, tout ce que possédaient les gens. Bien entendu, cela va évidemment de la crémaillère, hein, qui pend à la cheminée, jusqu'au dernier des moutons, en passant par la garde-robe qu'on ouvre dans les coffres, la vaisselle, les meubles, voire les quelques écus que l'on peut posséder. Et je me suis amusé là tout récemment à regarder pour Nicolas de la Cour les garde-robes des femmes à l'époque de Louis XIII dans les campagnes. Et je suis assez étonné de la coquetterie qui s'affichait déjà dans les atours de certaines demoiselles parmi les laboureurs, avec au-delà des robes noires et grises auxquelles on était habitué, l'arrivée du rouge, l'arrivée du violet, l'arrivée de couleurs beaucoup plus chatoyantes, avec des bordures de velours, bien entendu, et un peu de dentelle. Cela manifestait dans la société rurale la réussite de ces paysannes qui sortaient du commun. Et j'imagine qu'au 19e siècle, dans les inventaires après décès, on voit les traces de l'industrialisation. Alors, ne serait-ce que pour le matériel agricole ? Oui, et également, restons du côté de la mode, puisque j'ai eu la chance de pouvoir lancer le travail d'une de mes étudiantes sur les garde-robes féminine au 19e siècle, cette fois, on oublie beaucoup trop en histoire que les sources qui ont été labourées par une époque, je parle notamment de l'époque moderne, existent également aux autres époques. Alors, l'inventaire après décès, d'abord, il existe dès le Moyen-Âge. J'ai vu des inventaires après décès du 15e siècle, qui me donnaient des éléments extrêmement intéressants sur le mobilier et sur, évidemment, le matériel agricole et le bétail. Je vois à Weimar. Weimar, c'est un village qui se trouve à 20 km au nord-est de Paris, en 1485, l'un de ces inventaires. Mais il y a des milliers d'inventaires du 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, d'ailleurs. On a des inventaires. Et ces inventaires du 19e siècle sont capitaux pour pouvoir mesurer l'évolution de l'industrialisation et de la mécanisation dans les campagnes. Car si vous voulez voir des rouleaux Crosskill, si vous voulez voir des semoirs Smith, si vous voulez voir des charrues Bajac, il faut aller frapper à la porte des notaires, ouvrir les inventaires des années 1850, 1880 ou 1890 qui vous donneront le détail du matériel agricole, autant que des grains, que du bétail, et puis évidemment que du mobilier, hein, avec l'acajou, par exemple, avec même ces grandes armoires de noyer que l'on voit chez les antiquaires et qui se développent non pas au XVIIe siècle, mais à partir de 1840, 1850. Donc on a une consommation domestique de plus en plus importante qui est liée également avec les modes exotiques, hein, le sucre et le café, par exemple, qu'on a vu apparaître au XVIIIe siècle, se répandent largement au cours du XIXe siècle, jusque dans les cabarets, évidemment, et les tavernes. Hein, le terme de café, par exemple, que l'on a, hein, on va au café, était impensable au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, alors que des cafetiers buralistes existent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. C'est là l'un des éléments de la révolution des objets et de la consommation dans les campagnes qui montre qu'à chaque époque, et surtout entre 1789 et 1914, il y a une accélération de l'histoire. Et oui, voilà, c'est ce que l'on ressent en lisant vos chroniques de la France des campagnes sur tous ces siècles, Jean-Marc Morisseau, hein, parce que le dernier volume, c'est 1789-1914, mais c'est sur un temps très long, avec, on le sent bien, une accélération. Je parle là du vécu, du ressenti de ces paysans, de ces paysannes qui voient autour d'eux mais ce monde qui change de manière très rapide. Hein. Tout à fait. Il faut bien voir que le chemin de fer, le télégraphe, l'agence postale, le courrier, la carte postale, hein, également au tout début du XXe siècle, sont l'école, évidemment publique, hein, le service militaire obligatoire, la conscription. Tous ces éléments que j'aligne là en l'espace de 10 secondes, simplement, sont des éléments nouveaux qui transforment profondément les campagnes et les cultures entre, je dirais, 1820-1830 et 1914. Et donc, les campagnes que l'on peut observer à la veille de la guerre de 1914 conservent, certes, dans beaucoup d'endroits, des éléments très traditionnels et même archaïques, mais malgré tout, elles sont extrêmement différentes de ce qu'elles étaient trois quarts de siècle avant, trois générations avant. Il faut bien voir que les changements ont été considérables au XIXe siècle. Alors, ce n'est pas la révolution rurale générale que l'on voit voir entre 1950 et 1975, certes, mais c'est une évolution rapide qui est perturbatrice, qui est générale également, qui dépasse le cadre de telle et telle région, et que l'historien ne peut pas ignorer quand il regarde le Second Empire ou la Troisième République. Avec, dans cette histoire, des moutons. Émile commença ses croisements entre la brebis mérinos type Rambouillet et le bélier d'Ischlet de Leicester. Par sélection, il obtint des animaux de grande taille, bien conformés, précoce à l'engraissement, portant une toison abondante, moins délicat que le mérinos sur le régime de l'alimentation, plus rustique que le Dishley, et donnant une aussi bonne viande que le mouton Southdown, avec une meilleure laine blanche, douce, d'une finesse intermédiaire. Le lot de ces moutons à l'exposition universelle de 1855 était si remarquable que l'empereur s'y arrêta. Voici des moutons qui sortent de l'ordinaire. Et se tournant vers notre ami, « Monsieur Pluchet, nous vous ferons sortir aussi de l'ordinaire. » Le mot eut pour conséquence la nomination de l'habile éleveur comme chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Mais quel destin pour Émile, qui nous est raconté dans le cours de l'histoire par Auriane de la Croix. Dites-nous, mais qui est cet Émile Pluchet ? Émile Pluchet est l'un des 20 ou 30 protagonistes de la modernisation agricole par le haut du XIXe siècle. C'est un chef de culture qui appartient à une grande dynastie de fermiers dont le père a déjà mis au point la charrue Pluchet, une charrue élaborée. Il a été, lui, élève de l'école d'Hohenheim. C'est une école allemande extrêmement célèbre pendant 2 années. Son père l'a envoyé en stage dans plusieurs exploitations agricoles de différentes régions françaises. Et effectivement, il a réussi ce croisement entre ces deux races à viande et à laine, d'Ischlet anglaise et mérinos espagnole, qui a fait sa fortune. Mais il a joué ensuite un rôle très important en canalisant les transformations agricoles à Trappes, parce qu'il faut pas oublier qu'il était près de Versailles, à Trappes, où il a réuni des concours agricoles qui prolongeaient les expositions universelles et où il rassemblait des milliers d'exposants. Et il a fait partie aussi, avec Amand de Coville, dont on aura peut-être l'occasion de parler, parce que c'est une autre grande figure de cette modernisation, de la création de la Société des agriculteurs de France en 1867, société dont on a eu l'erreur jusqu'à présent, de considérer qu'il ne s'agissait que d'aristocrates et que d'une société, en quelque sorte, de grands propriétaires terriens. Ce qui est partiellement faux, puisque beaucoup d'authentiques agriculteurs engagés dans le progrès, comme Émile Pluchet ou Amand de Coville, y ont joué un rôle fondamental. Amand de Coville, en plus, lui, c'est de la machine, il y va, c'est de la locomotive. Hein. Alors, Amand de Coville, c'est une personnalité hors du commun. D'abord, il fait partie, encore une fois, d'une dynastie qui était sur Saclay au début, puis ensuite à Évry-Petitbourg, à l'époque du Second Empire. Passionné également de technique, il a créé une sorte d'agroville à Évry-Petitbourg que Eugène Schneider n'aurait pas renié au Creusot. On a l'impression, quand on ouvre son inventaire après décès, en 1871, de pénétrer véritablement dans un village industrialisé, puisqu'il a une féculerie, une distillerie, une salle des machines, il a 40 maisons d'ouvriers, une cantine, et évidemment, il a une sellerie avec des carrosses, avec des voitures, il a des machines à vapeur. C'est vraiment un grand agro-industriel qui, voyant qu'à l'île de Billancourt, à Boulogne, il n'y avait pas assez de place, en 1867, pour faire des concours de machines agricoles, de son propre chef, à Évry, a invité toutes les autorités, toutes les notabilités à faire ce concours chez lui. Et c'est chez lui que la Société des agriculteurs de France a été créée. Et c'est son fils qui travaillait avec lui, qui a mis au point le chemin de fer à voie étroite, le chemin de fer de Coville, à une époque où la betterave était stockée et ne pouvait pas être sortie à cause de la boue. Il fallait donc pas mobiliser tout le temps les chevaux et trouver un système de transport qui était le chemin de Coville, qui a fait le tour du monde ensuite. Et Paul de Coville, donc son fils, a été encore l'un des grands artisans du modernisme agricole au XIXe siècle, en liaison avec l'industrie dans un cadre international. Oui, parce que c'est vraiment ça, hein. L'industrie telle que nous la présentons bien souvent comme le fer de lance de l'industrialisation, en réalité c'est un mouvement global qui doit prendre en compte le monde rural. Tout le monde avance main dans la main. Tout à fait, et je dirais même, en ramenant la couverture à moi, que les premiers, les pionniers en quelque sorte de l'industrie se sont recrutés en grande partie dans les milieux agricoles à partir de 1750-1760, quand on les voit déjà créer des premiers comices, hein, avant la lettre, avant ceux de 1830-1840. On est en 1760 à l'époque, hein, à l'époque donc de Louis XV, pour essayer de perfectionner les socs de charrues, le type d'outillage, travailler avec et également les maréchaux, avec les forgerons, avec les milieux industriels de plus en plus, pour avoir un outillage et un matériel de plus en plus puissant. C'est le cas notamment du machinisme à vapeur, hein, qui se met en place avec les batteuses, hein, à partir de 1840-1850. Tout ce mouvement-là, il a été favorisé par des milliers d'entrepreneurs agricoles qui étaient liés à l'industrie et qui avaient fait d'ailleurs des études souvent importantes. Certains même étaient ingénieurs. On ne comprendrait pas le 19e siècle en ne regardant que l'industrialisation sans prendre en compte le monde rural qui fait partie de cette industrialisation. On ne peut pas comprendre ce monde des campagnes en ne regardant que les entrepreneurs. Il faut regarder aussi les petits paysans. La vie des pauvres gens ressemble à ces pièces de théâtre que les critiques appellent de mauvais mélodrames. En ce temps-là, la misère était le lot général au pays bigoudin. Une hantise telle qu'on s'attendait à la rencontrer au détour d'un chemin, sous la forme d'une chienne effrayée, babine retroussée sur les dents jaunes. La chienne du monde. Et ben voilà, nous sommes de retour en Bretagne avec Le Cheval d'Orgueil. Ici, c'est le film de Claude Chabrol en 1980 avec Jacques Dufilot. Le Cheval d'Orgueil, c'est évidemment le roman inspiré de sa vie de Pierre Jacques Elias. Ici, nous sommes au tout début du XXe siècle avec Le Cheval d'Orgueil. On sent cette misère-là. On voit bien que dans ce que nous évoquons souvent comme des traditions préservées du monde des campagnes, il y a aussi une misère et une domination toujours présentes. Alors, bien entendu, il a fallu endurer, survivre, autant que progresser et améliorer. Et ces réalités-là sont quand même largement répandues. Dans la région même bretonne de Pierre-Jacques Elias, Jean-Marie Desguignets, qu'on a vu tout à l'heure, nous apprend comment, à l'âge de 8 ans ou 9 ans, on peut mendier. La mendicité est un métier. Il faut savoir comment se présenter, quand partir, chez qui frapper. Et ce témoignage saisissant que Desguignets nous montre, où les enfants sont envoyés mendier avant qu'ils puissent être mis au travail, entre l'âge de 8 ans et l'âge de 10 ans en quelque sorte, je le retrouve à travers les creux de maison, comme on dit, en Vendée, au 19e siècle, avec notamment Henri Pitot, puis avec La Terre qui meurt de René Bazin, bien entendu, c'est-à-dire des milieux extrêmement pauvres, ou qui sont plongés dans la misère, dans l'incertitude du lendemain, et qui, dans beaucoup de régions de France, se maintiennent. Ce sont les laissés pour compte des transformations. Ce sont ceux qu'on oublie le plus souvent. Mais sur eux, on a également de l'information. Une information extrêmement intéressante qui est au croisement entre la littérature, y compris la grande littérature. Je pense évidemment aux Paysans de Balzac, à La Terre de Zola, au roman de George Sand, mais je pense également, je disais, à René Bazin, pour ne citer que lui, et les sources notariales, les sources judiciaires, les témoignages des paysans eux-mêmes, certains sortis de la misère, qui ont pris la plume pour écrire, ou au moins qui ont répondu aux interrogatoires de judiciaires ou aux descriptions notariales. Et puis il y a ces échanges, Jean-Marc Morisseau, que vous avez pu avoir avec ces vieilles personnes qui transmettaient cette histoire-là. Et c'est vrai qu'on regarde les phénomènes générationnels, et on est très très vite au 19e siècle quand on discute avec quelqu'un qui a 80 ans. Quand on discute il y a 20 ou 30 ans déjà, c'est mieux. Oui, mais c'est quand même passionnant parce que cette troisième partie de mes chroniques, ce troisième volume de la trilogie m'a permis d'assurer un relais entre cette histoire de papier dont je parlais, que je voyais à travers des archives considérables, avec un croisement fantastique, et la mémoire vivante qui était conservée par les derniers témoins. Quand j'ai commencé ma thèse, j'ai interrogé un certain nombre de cultivateurs et de charretiers également, d'ouvriers de charrue, qui étaient nés en 1870, 1880 ou 90 et qui avaient travaillé jusqu'en 1914 ou en 1920. C'est eux qui m'ont appris comment fonctionnait, par exemple, un attelage à l'aller ou au retour, en plaine comme en route, qui m'ont appris la signification d'un certain nombre de termes, comme les greniers à fourrage, les cinets par exemple. Je me rappelle également d'un mécanicien qui, lui, avait réussi, était passionné de mécanique, à la ferme de Champagne, à Savigny-sur-Orge, à 20 km au sud de Paris, créer des concours agricoles avec son maître, évidemment, lui n'avait pas de capital, qui s'appelait Charles Petit, auprès du ministère de l'Agriculture. On était en 1908 à l'époque. Et puis il y a les témoignages saisissants que les paysans ou les paysannes, parce qu'on a des femmes, on pense à Mémé Santerre, à Augustine Rouvière, on pense également à Émilie Carle dans les Alpes, ces femmes qui témoignent de leur vie terrible, difficile, entre 1880 et 1910, avant qu'elles ne changent éventuellement de métier et que, sur la fin de leur vie, quelqu'un vienne les aider à faire leur récit de vie. Eh bien, ces récits de vie de femmes et d'hommes nous donnent un relais passionnant entre cette histoire très ancienne que l'on peut tisser depuis le 15e siècle au moins, et les réalités du 20e et du 21e siècle que nous touchons du doigt aujourd'hui. C'est une mise en abîme, Jean-Marc Morisseau, avec ses récits de vie, puisque vous nous expliquez ces récits venus de paysans, de paysannes, qui arrivent jusqu'à l'historien que vous êtes, et votre propre récit de vie avec les campagnes dans l'histoire, ces mélanges qui vous sont offerts en votre honneur. C'est publié par la Bibliothèque d'Histoire Rurale. Vous retracez, c'est de l'égo-histoire, on peut le dire, vous retracez votre carrière avec ces souvenirs qui viennent, qui jaillissent et qui font comprendre cette longue histoire. On s'installe tranquillement, vous avez 19 ans, on allume la radio. Pourquoi avez-vous pris les armes? Pour ressaisir vos droits et vos franchises? Pourquoi? Que signifient ces pillages, ces incendies, ces tueries, ces boucheries? Vous voulez que l'on vous traite comme des hommes, et je serai le premier à le vouloir. Et dans ces conditions, pourquoi vous conduire comme des bêtes ? Quand on cessera de nous tenir pour des bêtes, nous commencerons de nous conduire comme des hommes. Quand on cessera de nous tenir pour des bêtes, nous commencerons de nous conduire comme des hommes. C'est cette phrase qui m'a déterminé à passer de la guerre des chevaliers à la guerre des paysans. La tribune de l'histoire, l'émission radiophonique, la tribune de l'histoire. Ah bah oui, vous levez les mains, Jean-Marc Morisseau. Mais voilà, c'est ça aussi, cette histoire-là qui nous intéresse. C'est une histoire incarnée par les hommes, par les femmes, qui constituent la mémoire des gens de la terre, et la mémoire des paysans, et la mémoire des croquants. C'est aussi cette mémoire-là qui constitue l'historien. Vous êtes au plus près de ces gens-là. Oui, alors, je voudrais ici, au micro de France Culture, rendre hommage, effectivement, à des émissions radiophoniques que j'ai pu entendre depuis l'âge de 10 ans ou de 12 ans avec mes parents. On parlait de la tribune de l'histoire, effectivement. Il y a eu aussi à la télévision La Caméra explore le temps. De ces historiens que souvent on traite d'historiens en quelque sorte amateurs, qu'on regarde quand on est universitaire avec quelque mépris, parce qu'on oublie que l'histoire est en quelque sorte un métier que l'on façonne dès sa jeunesse, voire dès son enfance, et qui est encouragé par des historiens conteurs, narrateurs. Encore une fois, l'histoire, c'est pas uniquement des concepts intellectuels. L'histoire, c'est pas uniquement une manière de comprendre les choses au point de vue intellectuel, avec des explications qui peuvent être extrêmement complexes, mais ça peut être saisir directement, concrètement, la vie des gens, les émotions, les réactions. Ça permet de partir, de créer un terreau nécessaire. Je dirais, l'histoire, en tout cas, pour un historien du monde rural, n'est pas une histoire hors sol. C'est une histoire profondément attachée à la réalité du sol, des différentes catégories de sol, d'ailleurs, de la forêt, de la vigne, autant que des blés, ou bien que des arbres fruitiers, et aux hommes et aux femmes qui les ont façonnés. Et à travers ces émissions radiodiffusées, effectivement, de ces années-là, j'ai pu conforter mon métier d'historien. Et je veux rendre hommage, postérieurement, à ces conteurs et à ces passeurs d'histoire, ces capitales au-delà des frontières de l'université, de pouvoir atteindre le grand public et la société, tous âges confondus, à travers ce type de message. Dans les campagnes, dans l'histoire, ces mélanges qui vous sont offerts, Jean-Marc Morisseau, apparaît Emmanuel Laurentin, la fabrique de l'histoire, bien sûr, parce que c'est cette longue passion, le mot passion est galvaudé, mais c'est ce qui unit tous ceux, toutes celles qui nous écoutent et ce que vous faites également, c'est de comprendre le passé avec ce filtre. J'ai l'impression que vous l'avez, Jean-Marc Morisseau, quand vous vous baladez à la campagne, je sais pas, autour de Caen ou quand vous retournez à Tismons, est-ce que vous arrivez à trouver toutes ces traces du passé? Vous voyez ce signe en vous disant, oh là, ça devait être un peu ainsi au XVIIe siècle, là, c'est très XIXe siècle. Bien entendu, l'historien qui a évidemment un peu de métier reconnaît à travers le paysage actuel les différentes strates et les transformations importantes de ces paysages. Car on a tendance souvent à considérer que tout cela, ça date du Moyen-Âge, c'est médiéval, c'est un argument touristique. Or, de médiéval, il y a peu de choses. En général, le médiéval a été transformé au XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe ou au XIXe siècle. Et je pense qu'il est important d'avoir ce sens, en quelque sorte, de l'évolution, des transformations, pour ne pas caricaturer les apports du passé. Ces apports du passé ont été multiples, ils ont été complémentaires, mais ils ont été très différents selon les époques et ils se sont accélérés. Les marques du passé sont de plus en plus prégnantes, évidemment, à partir où on s'approche du 19e siècle, au 18e, au 19e et au 20e siècle. C'est évident dans notre paysage actuel et dans notre société contemporaine. Et à tout cela, j'ajoute la transmission, ce que vous faites admirablement, Jean-Marc Morisseau. ici à l'antenne et également dans vos ouvrages « Les campagnes dans l'histoire ». Ce sont ces volumes de la Bibliothèque d'histoire rurale publiés par l'Association d'histoire des sociétés rurales. Il faut rappeler combien tout ce travail-là est porté par tant de personnes. Et puis bien sûr, il y a « La mémoire des gens de la terre », ce volume des chroniques de la France des campagnes qui couvre le 19e siècle étendu de 1789 à 1914. Juste un dernier mot, je voudrais remercier quand même Philippe Madeline et Sylvain Scora qui ont eu la tâche redoutable pendant 2 ans de rassembler 113 auteurs quand même à travers ces campagnes dans l'histoire. C'était vraiment une très très belle opération. Et le résultat est admirable parce que on se régale à parcourir votre vie et cette histoire-là. Merci vivement Jean-Marc Morisseau. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment pouvait-on se faire un nom dans le monde des lettres au XVIIIe siècle? Les concours littéraires organisés par l'Académie française à l'époque de Louis XIV prirent une importance de plus en plus grande au XVIIIe siècle. Ce fut l'une des principales conséquences de l'augmentation du nombre des sociétés savantes, car chacune d'elles tenait à financer son propre concours. Ces initiatives, qui ne concernaient au départ que la littérature, s'ouvrirent rapidement sur d'autres thématiques. Elles portèrent sur des questions d'ordre technique et scientifique, mais aussi sur des problèmes économiques, sociaux ou juridiques. Ces concours jouèrent ainsi un rôle important dans le développement de l'esprit critique qui s'est épanoui avec la philosophie des Lumières. On peut citer comme exemple les concours concernant l'esclavage. Le premier fut organisé en 1741 par l'Académie de Bordeaux. Le sujet, qui portait sur la couleur de peau des nègres, comme on disait à l'époque, fit l'objet de travaux qui envisageaient l'esclavage d'une manière positive. Mais au cours des décennies suivantes, dans les concours centrés sur le même thème, ce sont les critiques de cette forme d'asservissement qui finirent par devenir les plus fréquentes. Les recherches qui se sont intéressées à la sociologie de ceux qui participaient à ces compétitions ont permis d'éclairer un monde intellectuel que la notoriété acquise par les vedettes de la philosophie des Lumières ont longtemps laissé dans l'ombre. Les habitués du circuit des concours étaient souvent issus des classes moyennes ou aristocratiques. Néanmoins, la plupart d'entre eux étaient des hommes de lettres de second ordre. Le fait de remporter ce genre de prix pouvait leur procurer le capital symbolique nécessaire pour acquérir une réputation dans la bonne société de l'époque. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, un nombre croissant d'artisans, de fermiers et de laboureurs participèrent à ces compétitions. Il est probable que ces candidats d'origine modeste aient été attirés par les prix en espèces qui étaient attribués aux lauréats. Leur montant était habituellement de 300 à 400 livres, mais certains prix de l'Académie royale des sciences pouvaient s'élever jusqu'à 12 000 livres. L'originalité de ces concours tenait au fait que l'inscription était gratuite et anonyme, ce qui permit aussi à un petit nombre de femmes d'y participer. Celles et ceux qui n'étaient pas acceptés dans les clubs littéraires, les loges maçonniques ou les salons pouvaient espérer, s'ils gagnaient un prix, faire leur entrée dans la République des Lettres. L'abbé Grégoire est l'un des meilleurs exemples de ces outsiders qui mirent à profit un concours académique pour atteindre la célébrité. Fils d'un tailleur d'habits, Henri Grégoire n'était que le modeste curé d'Amberménil, un petit village lorrain, quand il remporta le prix du concours organisé en 1787 par l'Académie de Metz sur les moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France. L'essai fut un succès et fut même traduit en Angleterre dès l'année suivante. Cette notoriété joua un rôle important pour l'intégration d'Henri Grégoire dans le personnel révolutionnaire au cours des années suivantes. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Alex Dang. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Vudet, Jeanne Copin, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.